Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Mais qui sont nos ancêtres préhistoriques? En 1883, Gabriel de Mortillet publie Le préhistorique, antiquité de l'homme. Il explique que la paléoethnologie, oui c'est le mot qu'il utilise, est l'étude de l'origine et du développement de l'humanité avant les documents historiques. Nous sommes en 1883. Il dit que cette discipline doit être sérieusement étudiée avec un esprit libre de toute idée préconçue. C'est malheureusement ce qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent, dit-il. Les uns surexcités par les passions religieuses ont tout combattu, les autres poussés par une tendance contraire ont malheureusement été portés à tout admettre sans preuve suffisante et sans critique sérieuse. Tâchons de nous maintenir entre ces deux écueils également dangereux. L'homme moderne, Homo sapiens, nous, représente le dernier maillon d'une incroyable mosaïque humaine. Oui, plus on est dominidé, plus on rit. Jean-Jacques Hublin, bonjour. Bonjour. Étonnamment, dans l'histoire de l'humanité, mais de manière extrêmement large, extrêmement absolue, nous vivons un moment très particulier où il ne reste qu'Homo sapiens. C'est quelque chose à noter, c'est une première. Oui, absolument. Cette situation qui nous paraît, j'allais dire, normale, c'est-à-dire le fait d'avoir une seule espèce humaine qui peuple toute la planète, en réalité, est une situation tout à fait exceptionnelle à l'échelle des temps géologiques. C'est-à-dire que si on remonte au-delà, disons, de 40 000 avant le présent, alors ça paraît assez lointain, hein, mais c'est très peu de temps comparé aux 7 millions d'années qu'a duré l'évolution des hominines, le groupe auquel nous appartenons, nous et nos ancêtres. Eh bien, si on remonte au-delà de 40 000, eh bien, il y a toujours eu plusieurs espèces humaines, entre guillemets, sur Terre. Alors, généralement, vivant dans des régions différentes du globe, mais parfois, qui se sont côtoyées. Vous avez utilisé un mot, Jean-Jacques Hublin, hominine. Alors, c'est formidable parce que nous allons pouvoir faire du vocabulaire avec vous, quelques définitions. Il y a un mot que nous connaissons bien, c'est hominidé. Nous parlons des hominidés. Que couvre ce mot hominidé ? Jean-Jacques Hublin. Alors, je le dis, Jean-Jacques Hublin. Comment dire ? C'est un terme qui... Allô ? Allô, je vous entends, allez-y. Vous m'entendez ? Bon. Hominidé, c'est un terme qui a été longtemps utilisé pour parler de nos ancêtres et de nos parents, mais on a eu tendance à élargir de plus en plus la compréhension du terme hominidé. Maintenant, on fait rentrer à l'intérieur des hominidés, eh bien, le chimpanzé, le gorille, et donc on préfère le terme d'hominine, qui désigne dans le fond le rameau qui mène à l'homme actuel depuis sa séparation d'avec notre plus proche parent dans la nature actuelle, qui est le chimpanzé. Donc ça s'est passé il y a 7-8 millions d'années, peut-être un peu plus. Et donc, il y a là une bifurcation majeure. Donc, tout ce qui est de notre côté, on appelle ça des hominines. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Éric Pincas, bonjour. Bonjour. Éric Pincas, journaliste scientifique, vous êtes rédacteur en chef du magazine Historia, vous êtes l'auteur de La Préhistoire, Vérités et Légendes. Alors c'est très intéressant, hein, publié chez Perrin cet ouvrage-là, avec cette idée de vérité et légende, parce que dès qu'il est question de préhistoire, il y a énormément d'idées préconçues à démonter, et bah, justement ce que nous venons d'entendre. Pendant la plupart des temps, il y avait plusieurs espèces, alors peut-on utiliser le mot « homme » ? Oui, on peut utiliser le mot homme, mais surtout il faut avoir, il faut avoir cette, se dire qu'il y a eu toute une, comment dire, une légion de clichés qui se sont construits dans les années 60 notamment. Il y avait eu un ouvrage qui s'appelait The Early Man en 1965 où il y avait une illustration où on voyait l'évolution de l'homme, du singe courbé, velu, prognate, jusqu'à l'homme redressé au port râletier. Et ça avait véhiculé vraiment cette idée que l'évolution était linéaire. Alors que l'évolution, elle n'est pas linéaire. L'évolution, c'est une arborescence, c'est une mosaïque avec des branches différentes de, dont on l'a dit, de d'espèces humaines qui ont parfois, certaines branches sont éteintes par elles-mêmes, d'autres ont cohabité ensemble. C'est-à-dire que ce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, c'est que nous, les Homo sapiens, eh bien, nous sommes effectivement la dernière forme d'humanité survivante, mais nous avons cohabiter avec d'autres formes d'humanité. Et ça, c'est quelque chose de très, comment dire, très difficile à imaginer aujourd'hui. Et on ne s'inscrit absolument pas dans un maillon évolutif complètement linéaire. Et ça, il a fallu du temps pour le comprendre. Et les progrès de la paléogénétique nous a beaucoup éclairé là-dessus. Je suis content, Éric Pincas, que vous évoquiez cette représentation que nous connaissons tous, du singe qui se redresse peu à peu, puis arrive l'homme moderne qui a tendance d'ailleurs à se recourber de nouveau pour pencher la tête sur son écran d'ordinateur. Non, l'humanité n'est pas une histoire linéaire, dès lors c'est beaucoup plus complexe. Jean-Jacques Hublin, justement, à partir de quel moment cette notion d'arborescence dans l'histoire de l'humanité s'impose? À quel moment l'idée d'une histoire linéaire est mise peu à peu de côté? Bien, ça commence dans les années 1970, en fait, ça fait assez longtemps, parce qu'on découvre en Afrique de l'Est, dans les mêmes niveaux géologiques, des restes de représentants très anciens du genre Homo, donc auquel notre espèce Homo sapiens appartient, aux côtés de formes complètement différentes qui sont des Australopithèques robustes. Donc là, on a autour de 1,8 million, quelque chose comme ça, la présence de deux formes dominines totalement différentes et qui ont vécu dans la même région. Alors depuis, de nombreuses découvertes sont venues compléter ce tableau, et donc on a construit graduellement un arbre qui comporte aujourd'hui entre 25 et 30 espèces différentes, et il nous en manque probablement quelques-unes. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que effectivement il y a entre, disons, 100 000 et 50 000 avant le présent, il s'est passé quelque chose dans une de ces espèces qui fait qu'à un moment donné, elle a connu une expansion tout à fait extraordinaire. Elle est sortie d'Afrique puisqu'elle était africaine, et puis dans le fond, elle a remplacé et en partie absorbé tout ce qui se trouvait sur son chemin. Et aujourd'hui, eh bien, l'Homo sapiens peuple toute la planète, y compris des régions où auparavant il n'y avait jamais eu d'autres formes dominines. Éric Pincas. Mais peut-être, Xavier, pour être un petit peu plus précis sur ce qui fait l'homme, juste dire une chose sur le fait que même dans le milieu des préhistoriens aujourd'hui, on ne sait pas bien si c'est l'Homo habilis, à peu près 2,5 millions d'années, ou l'Homo erectus. Donc l'Homo habilis, c'est l'homme qui maîtrise pour la première fois les outils. L'Homo erectus, c'est l'homme debout, hein, vraiment celui qui est le bipède par excellence. C'est entre ces deux espèces, moi j'aime pas trop le mot espèce, on va dire entre ces deux formes d'humanité, les esprits sont un peu partagés, mais on sait qu'en tout cas ça se joue entre ces deux hominidés-là. Avec cette question, hein, Jean-Jacques Hublin, mais oui, à partir de quel moment sommes-nous face à un grand singe, ou un petit singe d'ailleurs, et face à un homme, quelqu'un qui fait partie de cette grande histoire? Qu'est-ce qui permet en fait de distinguer au moment de fouille si nous sommes face à un hominidé ou à autre chose? Alors, les hominines, pour revenir à mes hominines et non pas aux hominidés, on sait les reconnaître dès les origines. En gros, ce sont des grands primates qui sont bipèdes, et qui ont aussi des caractères dentaires particuliers, notamment la réduction des canines qui sont beaucoup plus puissantes chez les grands singes. Et ce caractère, d'ailleurs, traduit une organisation sociale différente. Ça, sont les hominines. Mais si vous aviez un hominine vieux de 6 ou 7 millions d'années qui entrait dans le studio maintenant, je pense que tout le monde se sauverait en courant. Alors ensuite, la question de savoir quand est-ce qu'on a affaire à des hommes, c'est vraiment une question très intéressante, parce que dans le fond, depuis des milliers d'années, les hommes se sont représentés eux-mêmes comme une espèce totalement à part du monde vivant. Et malgré le développement des théories évolutionnistes, eh bien, il reste quelque chose de cela. C'est-à-dire que, dans le fond, les paléontologues eux-mêmes aimeraient bien trouver un point limite, un moment un peu adamique dans le passé où, je dirais, le doigt de Dieu se serait posé sur les hominines et là, on serait devenu vraiment des hommes. Et ensuite, bah, dans le fond, rien n'aurait vraiment changé fondamentalement. C'est-à-dire qu'on serait dans de l'évolution plutôt culturelle, sociale. Alors, évidemment, la réalité est bien différente. C'est-à-dire que cette limite n'existe pas. On a essayé de la... de l'imaginer. Par exemple, le terme d'homme moderne charrie un petit peu de cette notion-là, hein. C'est-à-dire, voilà, il y a des hommes modernes comme nous, et puis avant, il y a autre chose. En fait, malheureusement, il y a quelque chose qui s'appelle l'évolution qui est à l'œuvre, et il n'y a pas vraiment une limite. Alors, on peut donner un âge, par exemple, au premier représentant du genre Homo, qui partage un certain nombre de caractères, mais il faut bien voir que un « entre guillemets homme » représentant du genre Homo qui vivait il y a, disons, 1,8 million d'années et qui possédait un cerveau qui avait à peine la moitié de la taille d'un cerveau d'homme actuel, et nous, il n'y a pas grand-chose à voir, en fait. C'est qui, d'ailleurs, le plus vieux, Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui, qui tient la corde? Alors, des représentants du genre Homo, on en connaît en Afrique de l'Est vers 2,6 millions par là. Et c'est une, alors encore une fois, c'est une créature qui probablement physiquement ressemblait beaucoup à un Australopithèque, une espèce de grand singe bipède. Hein. Mais on sait que c'est dans ces formes-là que s'enracine la suite de notre histoire. Et dès lors, la suite de notre histoire nous pousse à réfléchir à quoi ressemblaient nos ancêtres. Et oui, l'homme a-t-il perdu sa vigueur et sa taille d'autrefois? Il est courant d'entendre dire que, sur le plan physique, l'homme a singulièrement perdu de sa vigueur et de sa taille d'autrefois. En un mot, sommes-nous plus ou moins grands que nos ancêtres? Là est la question. Monsieur le professeur, nous vous écoutons. C'est Broca, professeur à la faculté de médecine de Paris, qui, il y a 100 ans, devant des articles parlant de la dégénérescence de la race française, avait entrepris de l'étudier et avait commencé par cela même des recherches anthropologiques qui se sont accrues depuis. On a d'abord examiné les tout premiers hommes et on a constaté que loin d'être des géants, comme le disent les légendes classiques, ceux-ci étaient des êtres de petite taille. Ils avaient 1,45 m ou 1,50 m au maximum. En effet. Ils étaient donc loin, par conséquent, de représenter ces géants, donc des cendrillons. Oui, en effet. Ces premiers hommes ont reçu des noms très spéciaux. Oui. On les appelle le pithécanthrope, le synanthrope. On les trouve en Chine et à Java, et ils sont très vieux. Ils ont au moins 500 000 ans. Mais si nous faisons un saut à travers les siècles, et que nous arrivons à des hommes relativement plus récents, les hommes de Néandertal, nous trouvons encore une faible stature, quoique légèrement élevée par rapport aux précédents. 1,55 m. 1,55 m, oui. Oh, bah, c'est pas bien grand. En 1950, le professeur Henri-Victor Valois, anthropologue, paléontologue, s'exprimait à partir de nos ancêtres. Éric Pincas, dans cette réflexion sur, justement, qui étaient nos ancêtres, il y a énormément de représentations très fortes. Alors, il y a l'image du grand singe, mais cette représentation doit s'appuyer sur les découvertes de la science qui nous montrent qu'il y a énormément de possibles. C'est très, très dur, en fait, de synthétiser cette histoire-là. C'est aussi pourquoi elle est passionnante. Oui, on a, pour exemple, lorsqu'on découvre l'homme de Néandertal, par exemple, dans les années 1850, en 1856, il va y avoir une représentation d'un illustrateur tchèque, Kupka, dans le journal L'Illustration, à son époque, qui nous montre un homme extrêmement rustre, qui ressemble plutôt à un gorille, hein, voûté, les jambes arquées, poilu, et... On va s'apercevoir avec le temps que cette représentation est très caricaturale. Elle va d'ailleurs véhiculer un certain nombre de clichés. Et je dirais que Néandertal a souffert pendant un certain temps de comme le disait Jacques Malaterre lorsqu'il a fait l'Odyssée de l'espace il y a quelques années, il souffrait d'un délit de sale gueule. Et en fait, ces clichés vont effectivement véhiculer cette image d'homme bestial. Et il va falloir attendre les années 70, 80, 90, lorsque l'imagerie médicale va commencer à venir à, au soutien de ces représentations-là, par exemple, pour voir que cet homme de la chapelle au sein en Corrèze, qui est représenté par Kubka, souffrait par exemple d'arthrite et qu'il était voûté parce qu'il avait de l'arthrite au niveau des lombaires, au niveau des genoux, et que c'était absolument pas le singe qu'on aurait voulu représenter. Donc, je dirais qu'on est aussi chaque époque. Il a fallu accepter d'abord que quelque part notre histoire s'inscrive dans une évolution au long cours qui nous relie à notre animalité, et cette animalité, elle a été très difficile et compliquée à accepter pour les préhistoriens de la fin du 19e siècle. C'est d'ailleurs pour cela aussi que parmi ces préhistoriens de la fin du 19e siècle, on trouve beaucoup d'hommes d'église, parce qu'il a fallu faire concilier le récit biblique, l'homme est né parfait à l'image de Dieu, avec ce que nous racontaient les premières découvertes de fossiles humains qui, manifestement, témoignaient d'une ancestralité quand même un peu différente de la nôtre. Et il a fallu trouver, je dirais, une forme de concordance entre le texte biblique et ce que révélait le terrain en termes de paléontologie. Par exemple, un dominicain au XIXe siècle qui s'appelle Dalmas le Roi a trouvé, je dirais, un juste compromis en acceptant le fait que le corps de l'homme avait évolué à travers le temps, qu'effectivement d'un corps un peu animal, nous étions devenus ce que nous sommes aujourd'hui, tout en conservant l'idée que c'est Dieu qui avait instillé l'âme humaine dans ce corps animal. Donc il y a toujours ces petits arrangements, je dirais, qui permettent à la fois à la religion, à la spiritualité et à la science de cohabiter. Avec évidemment les progrès de la science et dans cette mise en place d'une arborescence de ce que nous sommes en partie, il y a aussi tous ces progrès qui me permettent, Jean-Jacques Hublin, de vous poser cette question. Mais en réalité, est-ce que les hommes préhistoriques ont disparu? Sont-ils encore parmi nous? Nous sommes là. Donc il y a déjà une espèce, Homo sapiens, mais des autres espèces. Des hommes préhistoriques. Mais des autres espèces. Oui, alors, j'évoquais tout à l'heure la fin de cette longue évolution des hominines, avec l'expansion d'une espèce, la nôtre, qui est originaire d'Afrique, qui a plusieurs fois s'est étendue vers le Proche-Orient, la péninsule arabique, etc. Alors, il y a à peu près 50, 60 000 ans, il y a la dernière de ces sorties, qui est la bonne, si je peux dire. Et là, ces Homo sapiens vont rencontrer d'autres formes humaines, des hommes de Néandertal en Europe et dans le centre de l'Asie, au Proche-Orient, mais aussi d'autres espèces assez différentes, les Denisoviens, une espèce nouvelle qu'on a découverte en Asie, des petites créatures qui vivent dans les îles indonésiennes. Et là, ce qui va se passer, c'est que il y a beaucoup de remplacements, mais il y a un peu d'absorption, un peu de métissage. Et quand on étudie le génome des populations actuelles, on se rend compte que hors d'Afrique, nous avons hérité d'un petit peu d'ADN néandertalien. Vous et moi, nous en avons à peu près 2%. Et puis en Asie, un tout petit peu d'ADN denisovien qui s'est rajouté à ça. Alors maintenant, évidemment, cette introgression, comme on dit dans le jargon des généticiens, nous dit quelque chose sur une histoire qui s'est passée, une histoire de contact entre ces groupes. Maintenant, il faut bien mesurer ce que ça a comme implication du point de vue des caractères. C'est-à-dire quand on dit que Xavier Mauduit a 2% d'ADN néandertalien, est-ce que ça veut dire qu'il est à 2% néandertalien? Je ne crois pas. Ah, j'aurais bien aimé. C'est une autre histoire. J'aurais bien aimé, mais c'est passionnant ce que vous nous dites là, Jean-Jacques Hublin, c'est-à-dire que l'ADN a conservé des traces du métissage avec les autres espèces, mais ce qui permet surtout, selon les zones géographiques, de constituer les déplacements des populations. Oui, alors il faut bien se rendre compte que on voit la préhistoire évidemment avec les yeux d'aujourd'hui. On parle souvent de migration, de colonisation, de choses comme ça. En fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que fonction notamment de fluctuations climatiques, environnementales, ces différents groupes, ben dans le fond, ils se diffusent dans, dans des paysages où, ils sont bien, où ils trouvent leur subsistance. Et cette, par exemple, cette expansion des Homo sapiens hors d'Afrique à plusieurs reprises, c'est pas un mouvement de migration volontaire. C'est simplement que des paysages de savane qui se développent à un moment donné dans un Sahara qui est beaucoup plus vert qu'aujourd'hui, eh bien, s'étendent aussi à l'Arabie. Et donc, tout naturellement, ces groupes de génération en génération, eh bien, occupent toute cet environnement. Et en fait, il suffit de faire des calculs assez simples pour se rendre compte que pour aller d'un bout à l'autre de l'Eurasie en quelques milliers d'années, ce qui est pratiquement instantané à l'échelle de la préhistoire, eh bien, il faut considérer des déplacements de groupes à chaque génération de toute petite distance. Mais il n'y a pas besoin de se déplacer en masse et d'un coup, mais des petits déplacements font que bah, peu à peu, Sapiens conquiert le monde. Il part d'Afrique, il arrive en Europe, en Eurasie, où il rencontre Néandertal. Nous sommes dans le sud de l'Europe, il y a environ 40 000 ans. Néandertal domine toujours cette partie du monde. Il vit en petite tribu familiale, se déplace selon les saisons, en suivant les migrations de son gibier. Il profite de toutes les richesses de la nature. Pourtant, les jours du peuple néandertal sont comptés. Il va s'éteindre dans quelques millénaires. Avant de partir, il va faire une rencontre stupéfiante. En ce temps, les hommes étaient très peu nombreux. Les clans vivaient éparpillés sur de grands territoires et ils se rencontraient très rarement. Chaque confrontation était un événement. Œil de glace et son frère n'avaient jamais vu ça. Ces hommes étaient physiquement différents. Leurs vêtements étaient différents. Leur peau était de différentes couleurs, comme les serpents. Ils avaient des armes étranges. Et ils savaient aussi prendre le poisson qu'ils faisaient sécher comme de la viande. Jamais on n'avait entendu parler de ces êtres étranges, même dans les histoires racontées par les anciens. Un extrait de l'Odyssée de l'espèce, le film de Jacques Malaterre que vous avez cité, Éric Pincasse. Et justement, Éric Pincasse, cette rencontre Sapiens Néandertal telle qu'elle est racontée ici, en fait, est une narration, mais pour parler de la préhistoire, il est besoin de narration. Nous ne pouvons pas faire autrement. Ce sont des temps très longs. C'est en cela aussi que se créent ces vérités, ces légendes, hein, le sous-titre de votre livre sur la préhistoire. Mais la narration nécessite de réduire le temps systématiquement. Oui, il faut surtout trouver les moyens de rendre palpable cette histoire qui est si lointaine. La rencontre Néandertal-Sapiens, c'est un peu l'histoire de cousins de famille qui se retrouveraient après quelques dizaines de milliers d'années de séparation. La souche commune, c'est une espèce humaine qui a vécu en Afrique, qui est l'Homo erectus. Et puis, il va y avoir effectivement une sortie d'Afrique où des hommes peut-être plus audacieux vont commencer à conquérir l'Eurasie. Et puis avec la barrière glaciaire, parce qu'on est quand même en période d'âge glaciaire, il faut quand même savoir que il y a encore 120 000, 150 000 ans, on peut aller en Angleterre à pied. Hein, le niveau de la mer est 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Eh bien, il va y avoir, je dirais, deux choses qui vont jouer, c'est-à-dire que les erectus qui restent en Afrique vont évoluer progressivement vers la forme homme moderne archaïque puis homme moderne. Ceux qui sont sortis, qui se sont retrouvés, je dirais, isolés parce qu'il n'y avait plus d'échanges de flux géniques avec d'autres populations, vont s'adapter d'abord au climat et vont petit à petit, il va y avoir ce qu'on appelle une spéciation, c'est-à-dire qu'ils vont développer des traits physiques différents de ce que va être l'homme moderne. Néandertal, c'est un homme qui a un crâne très allongé d'avant en arrière. C'est un individu qui a ce qu'on appelle une casquette susorbitaire, c'est-à-dire des arcades sourcilières très prononcées. Il a le front fuyant, une absence de menton. Il a ce qu'on appelle un chignon occipital à l'arrière du crâne. Effectivement, il n'est pas très grand. Alors moi, j'aurais plutôt dit, Jean-Jacques Lublin le confirmera, plutôt 1m64, dans grosso modo, pour environ 75 kilos. Il a un peu le physique, je dirais, de ce que pourrait être, en termes de silhouette, je parle, les Inuits aujourd'hui, parce que ça lui permettait justement, cette corpulence un peu râblée, d'avoir une dépense énergétique adaptée aux conditions climatiques très rudes pour résister au froid. Donc ça, on le sait. Aujourd'hui, et lorsque Sapiens arrive à son tour en Europe il y a 45 000 ans, eh bien effectivement, il retrouve ce cousin, en fin de compte, moi je dirais même ce frère d'humanité qui est Néandertal. Après, quant à savoir quels ont été les modes de rencontre, là, il y a une part d'imaginaire. Est-ce que, effectivement, ces hommes se sont fait la guerre? Est-ce qu'ils étaient en concurrence sur ce qu'on appelle une même niche écologique, un même territoire? Est-ce que ils ont... manifestement, oui, on le sait, ils se sont hybridés, donc ils se sont rencontrés. Est-ce qu'il y aurait eu des romances? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y aurait eu des raptes de femmes, comme on l'a imaginé bien souvent, comme on a pu lire dans certains romans? Ça, c'est pas prouvé, c'est pas attesté. Il y a peut-être avoir des échanges, effectivement, des échanges de populations. Ça, les gènes, les études génétiques peuvent nous le raconter, ça, pour le coup. Mais effectivement, ça laisse une part à l'imaginaire. Tout est possible, là, pour le coup. Voilà, le scientifique n'ira pas plus loin, ne s'aventurera pas plus loin en ce sens. L'hypothèse, l'imaginaire est utile aussi pour la science, nous le savons bien. Et Jean-Jacques Hublin, quand nous entendons ces questions d'hybridation, alors là c'est de la science, c'est l'ADN qui parle, il y a en Eurasie Néandertal et Sapiens qui se rencontrent, qui échangent. Ce qui veut dire que si nous allons en Afrique ou si nous descendons tout doucement là où il y a de moins en moins de mélanges génétiques, nous allons trouver l'origine de l'homme. Où en sommes-nous aujourd'hui dans ces réflexions de l'ADN? Alors, avant de parler de l'origine d'Homo sapiens, je voudrais dire juste un mot sur ces histoires d'échanges, de rapt, etc. D'abord, il faut bien se rendre compte que il y a une grande part d'imaginaire là-dedans. C'est-à-dire que chaque époque projette dans le passé, dans le fond, ses valeurs. Et alors, on se moque volontiers de la façon dont les hommes du 19e siècle ou du début du 20e siècle voyaient l'homme de Néandertal ou la préhistoire en général, mais il faut bien se rendre compte que voilà, nous vivons dans une société qui est préoccupée de d'écologie, de non-discrimination, de féminisme, etc. Et on projette aussi ces valeurs-là dans la préhistoire. Peut-être que dans un siècle, on se moquera un petit peu de nous. La génétique nous dit quand même des choses sur ces mobilités, par exemple, de femmes entre groupes. Il y a récemment un article qui a été publié sur le génome de plusieurs groupes de néandertaliens. Alors, c'est dans l'Altaï, hein, mais ça nous dit quelque chose. Et on voit très bien que les néandertaliens vivent en sociétés qui sont toutes petites, hein, des groupes très peu nombreux. Et qui sont des groupes où les femmes passent d'un groupe à l'autre, mais les hommes, les mâles constituent en fait le noyau de ces petits groupes. Et donc on a un modèle qu'on connaît d'ailleurs chez d'autres primates, hein, les chimpanzés par exemple. Et donc on peut essayer d'imaginer comment ça s'est passé effectivement quand il y a eu un contact entre ces néandertaliens et puis des sapiens. Alors est-ce que ces échanges ont été toujours très amicaux et chaleureux, ça, on aimerait bien les voir comme ça, mais voilà, on n'a pas de preuves ni dans un sens ni dans un autre de la qualité, si je peux dire, du caractère positif de ces échanges. Jean-Jacques Hublin, l'Altaï, hein, nous nous trouvons dans le centre de l'Asie parce que Néandertal est un de nos cousins ou frères d'Europe et d'Asie, de l'Eurasie. Il n'y a pas de traces de Néandertal en Afrique, c'est logique. Mais alors, parfois, surgit au cœur de l'actualité la préhistoire, et notamment en lien avec la pandémie de Covid, un lien qui est fait entre Néandertal, plus touché par le Covid, que les autres espèces. Qu'en pensez-vous, Jean-Jacques Hublin, de dire que ceux qui sont le plus touchés par cette pandémie sont ceux qui ont des gènes de Néandertal? Alors, il faut bien comprendre que, d'abord, cette histoire d'échange de matériel génétique entre espèces, en fait, c'est quelque chose de trivial dans la nature. Depuis qu'on sait faire du séquençage d'ADN à haut débit et pour pas très cher, on se rend compte que 25% des espèces de mammifères qui vivent sur la planète aujourd'hui échangent ou ont échangé du matériel génétique avec des espèces voisines. L'ours polaire, le grizzly, des espèces de baleines, de primates, de carnivores, enfin, il y a de très nombreux exemples. Alors quand ces échanges se produisent, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, à la première génération, on a un hybride qui a une moitié de son ADN qui vient de papa, d'une espèce, et l'autre moitié de maman, l'autre espèce. Et puis au fil des générations, quand cet hybride va se reproduire au sein d'un des deux groupes, eh bien cet ADN va se diluer en quelque sorte, et surtout il va subir les effets de la sélection naturelle. C'est-à-dire que en gros, si l'apport d'ADN se révèle négatif dans une partie du génome, eh bien cet apport va être purgé par la sélection naturelle. Alors ces 2% d'ADN néandertalien que nous possédons, quand on met bout à bout tous les 2% d'ADN, le vôtre, le mien et celui de tous les auditeurs, eh bien, on n'obtient pas 100% du génome néandertalien. On en obtient à peu près 40%. Pourquoi? Parce qu'il y a 60% de l'ADN néandertalien qui n'était pas très très bon pour nous. Et il y a des organes, en particulier le cerveau, où le génome néandertalien est très très peu exprimé. Les testicules aussi. Ce qui prouve probablement que les hybrides mâles étaient peu féconds. Il y a l'action de la sélection naturelle. Alors cette sélection naturelle, elle agit en fonction de l'environnement. Quelque chose peut être avantageux à un certain moment, et on le voit par exemple avec des petits bouts d'ADN néandertaliens qui ont eu un rôle dans l'immunité des populations arrivant en Eurasie, parce que les Néandertaliens avaient été exposés depuis longtemps à des pathogènes locaux. Et puis, à un autre moment, plus tard, des milliers d'années plus tard, le même bout d'ADN qui était favorable peut se révéler pas très intéressant. Et c'est ce qui s'est passé récemment avec l'épidémie de Covid, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les individus qui portaient dans une région particulière de leur génome un petit bout d'ADN néandertalien, eh ben ceux-là étaient plus sensibles à la Covid-19 que les autres. Voilà, donc cet héritage néandertalien qui nous a aidés maintes et maintes fois, bah là, nous fait un peu défaut. C'est pas grave, ça ne va pas nous empêcher de suivre les traces de Néandertal. Alors qu'un orage s'abattait sur la tribu, ce lieu de vie a été entièrement recouvert de limons. C'est dans cette boue que Néandertal a laissé ses traces. Une fois l'averse passée, et sous l'effet d'un fort vent, une large épaisseur de sable sec est venue recouvrir ce limon et ses empreintes, conservant les traces de Néandertal pendant 80 000 ans. Comme cette empreinte de pas qui nous raconte que Néandertal a voulu contourner un obstacle. Le pied est beaucoup plus impressionné avec le splotch, la boue qui a jailli de part et d'autre du pied. On voit la dynamique du Néandertalien qui escalade le bord de la dune. Et c'est d'autant plus poignant qu'on a eu beaucoup d'empreintes de pas d'enfants, de petits pieds d'un bébé, un gosse d'un an qui commence à marcher. Sur une surface de 80 mètres carrés, Dominique Cliquet et son équipe ont découvert uniquement des pieds d'enfants. Comme une aire de jeu, juste autour de l'endroit où les adultes s'occupaient des activités de subsistance. L'emplacement d'une garderie où les plus jeunes s'amusaient sous le regard bienveillant de leurs parents. Un extrait du film documentaire qui a tué Néandertal, un film de Thomas Sirotto, écrit par Jacques Malaterre et Éric Pincas. Ben tiens, vous êtes là, Éric Pincas, ça tombe bien. Il y a quelque chose de très beau quand Néandertal est évoqué aujourd'hui, bien loin de cette image du sauvage hein, qui a longtemps dominé. Néandertal, dont les pas sont à suivre selon vous, c'est-à-dire que la réflexion autour de Néandertal, de sa disparition, nous parle. Oui, alors d'abord je voulais vous remercier d'avoir choisi cet extrait du documentaire qui a tué Néandertal, parce que c'est une séquence très émouvante, parce que sur ce site du Rosel en Normandie, effectivement, il y a ces empreintes de pas qui sont absolument troublantes, parce qu'on a l'impression que les gamins étaient là, qui viennent de passer, et d'ailleurs les moulages avaient été exposés au Musée de l'Homme lors de l'exposition Néandertal, l'expo, il y a 2 ans maintenant. Oui, la disparition de Néandertal, elle nous interroge, parce que notamment lorsqu'on vit une pandémie de l'ampleur de ce que l'on connaît là depuis 1 an et demi, ça nous interroge sur notre devenir, ça nous interroge sur notre rapport à la nature, ça nous interroge sur notre finitude. Parce qu'en fin de compte, est-ce que toute espèce vivante, n'est-elle pas destinée à disparaître un jour ou l'autre? C'est la question. On aurait tendance à penser que oui. Et en revanche, bon, on peut avoir quelques espoirs quand même. Néandertal a vécu plus de 300 000 ans, hein, 350 000 ans. Donc c'est une belle leçon de vie. Et ce qui est étrange, en revanche, c'est qu'il disparaît grosso modo dans les 6 000 ans où nous avons cohabité, nous les hommes modernes, avec lui. C'est-à-dire que nous arrivons en Europe il y a environ 45 000 ans. Et on sait aujourd'hui que Néandertal a disparu il y a environ 39 000 ans. Alors qu'il y a encore quelques années, on situait sa disparition il y a 30 000 ans, mais ça aussi c'est formidable, parce qu'on s'aperçoit que les techniques de datation évoluent, et surtout on arrive à mettre au point, les équipes notamment du Max Planck de Leipzig et bien d'autres, arrivent à mettre au point des méthodes de datation où on arrive à dépolluer l'ADN ancien de toutes les molécules modernes qui pourraient venir fausser les datations. Et ça, ça nous permet d'être beaucoup plus précis dans les périodes ou la période à laquelle a pu disparaître Néandertal. Donc effectivement, c'est vers 39 000 ans, en tout cas au moins pour l'ouest de l'Europe. Et c'est très mystérieux. Il y a plein d'hypothèses qui peuvent expliquer cette disparition. C'est multifactoriel. Il n'y a pas un scénario possible. Sans doute plusieurs scénarios. Ce que l'on sait, c'est que Néandertal a disparu cependant. Et ça, c'est une certitude. Il survit en nous, en tout cas. Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'il a véritablement disparu, sachant qu'il y a quand même ce signal génétique, aussi minime soit-il, qui survit en nous. Et ce qui est assez étrange aussi, c'est que depuis 2010, on disait qu'effectivement, seuls les Eurasiatiques étaient porteurs de 2 à 4% de gènes néandertaliens. Et il semblerait que en février 2020, il y ait eu une étude témoignant d'un signal génétique à hauteur de 0,3% chez des populations africaines. Alors, il s'agirait sans aucun doute d'hommes qui seraient sortis d'Afrique, qui auraient rencontré Néandertal au Proche-Orient et qui seraient ensuite revenus en Afrique. Ça, c'est tout nouveau. Ça demande à être encore confirmé. C'est des méthodes de statistiques probabilistes que je serais bien incapable de vous expliquer. Mais en tout cas, c'est tout nouveau. Quelques populations africaines seraient peut-être elles aussi porteuses d'un héritage néandertalien. Oui, parce qu'il y a un ouragan de découvertes et d'analyses sans cesse dès qu'il est question de préhistoire. Jean-Jacques Hublin, vous êtes paléanthropologue et professeur à l'Institut Max Planck à Leipzig en Allemagne. Et puis, vous êtes professeur au Collège de France. Et justement, ça ne cesse jamais. Et tant mieux de faire des découvertes de nouvelles espèces humaines. C'est extrêmement dur pour les néophytes que nous sommes de suivre tout ce qui se passe. Pour les chercheurs, est-il possible sans cesse de casser en fait les schémas pour en reconstruire des nouveaux? C'est un peu ça aussi votre travail sur l'évolution. Oui, alors Sophie de Beaune en a parlé hier, hein, la paléoanthropologie, l'étude des hommes du passé lointain, c'est une science très jeune. Hein, et donc, il est normal, dans le fond, qu'elle soit très changeante dans ses premiers siècles d'existence. En même temps, il faut bien considérer que la science, c'est une construction. Hein, donc, chaque génération apporte ses briques, un mur, un monument, diraient certains. Et parfois, il y a de la déconstruction. Maintenant, moi, je suis quand même un petit peu réservé sur cette notion que chaque découverte, dans le fond, fiche par terre l'arbre évolutif des hominines et qu'il faut le repenser de façon complètement différente. C'est pas tellement ma vision des choses. Je pense qu'on est quand même beaucoup victime d'une tentation sensationnaliste. Vous savez, les chercheurs sont quand même sous la pression d'une demande de publication dans des revues de haut niveau. Donc voilà, ils vendent des histoires, hein, ils vendent des histoires en même temps que leurs découvertes. Et parfois, ils les vendent très très bien, hein, notamment à la presse. Et je pense qu'on a tendance un petit peu à exagérer cette notion que tous les ans, voilà, on efface le tableau et on retrace un autre schéma. C'est formidable ce que vous nous dites là, parce que déjà ça appelle à la modestie de ceux qui véhiculent l'information et puis de ceux qui font la recherche, avec malgré tout des schémas dans la tête toujours, qui font que l'idée même que plusieurs espèces humaines aient pu vivre en même temps est quelque chose, Jean-Jacques Hublin, qui ne fait toujours pas une évidence. Il faut sans cesse rappeler ces idées qui sont maintenant des faits qui ont pu être démontrés, mais qui ne sont pas toujours admis. Alors, il y a deux choses qu'il faut bien avoir à l'esprit. D'abord, je pense que nous, hommes du 21e siècle, et c'est vrai pour ceux du 20e et du 19e, nous avons une grande difficulté à imaginer une autre humanité. Voilà. Notre notion de l'humanité, c'est une notion qui est liée à l'unicité de l'homme, à son caractère exceptionnel. Et donc, imaginer des formes humaines qui soient apparentées, qui soient humaines, mais pas complètement humaines, ou alors avec d'autres caractères humains, ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Ensuite, il y a cette notion d'espèce. Alors, ça mériterait toute une émission, mais... dans le fond, au milieu du XXe siècle, on a cru que la définition de l'espèce, c'était quelque chose de plié. Il y a un chercheur américain qui s'appelait Ernst Mayr, qui en 1942 a publié une définition de ce qu'il appelait le concept biologique de l'espèce. En gros, pour lui, l'espèce, elle est délimitée par l'isolement reproductif. C'est-à-dire, une espèce, c'est l'ensemble des individus qui peuvent se reproduire entre eux et qui ne peuvent pas se reproduire avec les autres. Et dans le fond, cette notion, eh bien, elle était déjà critiquée à l'époque, mais aujourd'hui, elle vole un petit peu en éclats, pour les raisons que je vous disais, c'est-à-dire qu'on se rend compte que des espèces, entre guillemets, séparées depuis plusieurs millions d'années, hein, continuent à échanger du matériel génétique, mais en même temps, sont soumis à des mécanismes qui maintiennent leur identité. Par exemple, parce que les hybrides sont moins féconds que les autres. Et donc, il y a un travail de tous les biologistes en ce moment pour essayer de redéfinir ce que pourrait être une espèce. Et une définition qui est en vogue, si je peux dire, c'est la notion de lignée de métapopulation. C'est-à-dire cette notion que... en ignorant cette histoire d'isolement reproductif, eh bien, si on a des lignées qui, sur plusieurs centaines de milliers d'années, maintiennent leur identité, même si elles sont en contact avec d'autres, eh bien, c'est peut-être ça la définition d'une espèce dans la nature. Oui, réflexion sur qui nous sommes, tout simplement, qu'est-ce qu'une espèce, et puis... Que faisons-nous dans toute cette longue histoire de l'humanité avec ses ramifications, avec Néandertal qui disparaît et nous-mêmes aujourd'hui qui réfléchissons à ce que nous faisons ici? Éric Pincas, qui est Lady Sapiens? Lady Sapiens. Alors Lady Sapiens, c'est un film qui va arriver sur les écrans de France 5 à la rentrée, un film documentaire réalisé par Thomas Sirotto, coécrit par Jacques Malater et moi-même, et c'est un film qui vise et un livre qui sera publié aux éditions Les Arènes, qui vise, je dirais, à redonner une visibilité à la femme préhistorique, qui a souffert, mais alors d'une légion, elle aussi, de clichés. Donc on a mené une enquête aux quatre coins du monde pour rendre, je dirais, son existence, une vision plus juste de ce qu'a été la femme de la préhistoire. C'est surtout pas un film militant, c'est un film surtout qui va décrypter ce que la science est capable aujourd'hui de restituer de ce qu'ont été les femmes de la préhistoire. Parce que on les a souvent représentées, si vous prenez quelques petits films humoristiques des années 20, tirés par les cheveux par leur vaillant chasseur pour qu'il aille s'amuser avec son épouse dans la grotte. On les a souvent représentées soumises, on les a souvent représentées, suppliantes, attendant le retour de la chasse de leur compagnon. Enfin, et on s'aperçoit qu'en fin de compte, Lady Sapiens est une femme dont on peut aujourd'hui restituer le visage, la couleur des yeux, la couleur de la peau. On peut restituer une grande partie de ses activités, de voir qu'il s'agissait d'une femme hyperactive qui contribuait énormément à la vie du groupe, on a souvent fait de l'homme chasseur l'emblème de la préhistoire et de la chasse qui avait participé directement de l'hominisation. Et on avait exclu la femme de ce processus d'hominisation parce qu'on considérait que la femme ne pouvait pas chasser. On va apporter des indices, des preuves que la femme pouvait être aussi chasseresse, peut-être dans un autre registre, et qu'elle pouvait être aussi artiste, enfin une multitude de découvertes pour réhabiliter la femme de la préhistoire. Et pour Lady Sapiens, bien, nous retrouvons le travail de Sophie Archambault de Beaume, hein, que nous avons reçu dans le cours de l'histoire, qui nous a expliqué pourquoi... Conseillère scientifique, oui. Exactement, votre conseillère scientifique sur ce projet. Et une émission à écouter, à podcaster sur le site Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr, et sur l'application Radio France. Et puis, en ce qui concerne les femmes dans la préhistoire, nous consacrons l'émission de demain aux femmes avec Lady Sapiens. C'est un beau titre, hein, mais pour le cours de l'histoire, nous avons choisi le silex fort de l'Antiquité, les femmes. Mais oui, parce que c'est extrêmement foisonnant, Éric Pincas, cette passion préhistorique. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Historia et vous êtes l'auteur de La Préhistoire, Vérité et Légende. Il y a une passion préhistoire, il y a des recherches scientifiques. Il faut un vecteur nécessaire parce que ces publications sont parfois ardues, mais la passion du public est là. Il y a une véritable préhistomania, en France en tout cas, mais sans aucun doute au-delà de nos frontières. Et effectivement, je pense qu'il est bien aussi qu'il y ait des médiateurs pour mettre en avant le formidable travail réalisé par les équipes de scientifiques comme celle du Max Planck de Leipzig où travaille Jean-Jacques Hublin, parce que parfois on est dans des recherches assez compliquées, et les restituer pour le grand public, c'est formidable parce que ça ouvre un champ des possibles aujourd'hui absolument extraordinaire. Et puis nous sommes ravis de les découvrir grâce à vous, Éric Pincas, et merci aussi vivement à vous, Jean-Jacques Hublin, de nous avoir parlé de tout, alors le mot espèce, nous avons vu qu'il fallait l'utiliser avec précaution, mais de toutes ces humanités qui ont vécu au même moment. Merci beaucoup à vous deux. Il est temps de retrouver Anaïs Kien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, les questions du poison ordinaire. Horreur face aux mots pesticides, conservateurs, agents de texture ou colorants. On pourrait dater la défiance vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire de la fin du XXe siècle ou franchement du XXIe siècle. Et pourtant, dans le documentaire « La brigade des empoisonnés volontaires » proposé sur Arte.tv, on découvre le combat sans merci du chimiste américain Harvey Washington Wiley qui s'est lancé dans une croisade sans merci contre les additifs chimiques dans l'alimentation de ses concitoyens dès la fin du XIXe siècle. Nous voici attablés devant un véritable festin, des mets pleins de promesses. Nous admirons la teinte dorée du pain, qui n'a besoin que de la caresse d'un beurre doux comme du satin, idéal pour faire de chaque instant un rêve délicieux et captivant. Et pourtant, tout en nous régalant, il nous vient une question, que contiennent-ils donc ? La couleur de ce vin, du bitume, la forme parfaite de ces œufs, pourtant loin d'avoir été produite par la poule qu'ils évoquent. Ou encore le vert de cette salade, est-il si honnête que l'éclat de sa couleur semble nous le promettre ? Au début du XXe siècle, la nourriture qu'on dispose sur les tables n'a rien de l'authenticité d'un temps jadis fantasmé. Les additifs, conservateurs et autres colorants sont déjà bien là, mais sans annoncer leur présence. C'est le Far West agroalimentaire. Tout est permis puisque rien ne se sait. Harvey Washington Wiley teste tous ses produits cachés pour en évaluer les risques. L'histoire de toute une vie consacrée à rendre transparent ces invisibles minuscules de l'alimentation industrielle. Trouver un remède à cette industrie qui tue nécessite quelques martyrs. Pour effectuer ces analyses, il recrute donc des empoisonnés volontaires pour tester la toxicité des substances qu'il soupçonne. La chimie alimentaire s'invente et accompagne à marche forcée l'exode rural vers les grandes villes, industrielles elles aussi. On transforme la viande, les céréales, les fruits, les légumes, tout ce qui se mange à grande échelle pour produire beaucoup, très vite et pas cher. Le principe est vraiment bien connu aujourd'hui. Wiley identifie les formaldéhydes, le borax et le sulfate de cuivre qui donnent cette belle couleur verte et durable aux légumes sur les étals, la fraîcheur et le naturel en toc. Pour Wiley, la science doit contribuer à la santé, pas la détruire, mine de rien. Depuis les années 1860, en Grande-Bretagne, on légifère après une sombre affaire de bonbons fatales fourrés à l'arsenic. En France, on interdit déjà l'acide salicylique dans le vin et l'Allemagne scrute les recettes appliquées à la production de sa fameuse bière. Aux États-Unis, il ne se passe pas grand-chose à cet endroit-là et la publicité mensongère vit ses beaux jours. La protection du consommateur est un détail microscopique dans la vie de l'industrie nationale et l'État n'est pas invité à s'y intéresser de trop près. Les mangeuses et les mangeurs s'empoisonnent donc copieusement sans le savoir. Wiley s'attaque aux industries qui ne manquent pas de contre-attaquer en le traînant dans la boue, un peu seul dans son entreprise de justicier alimentaire jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Abraham Lincoln. Il intègre alors son ministère de l'Agriculture et lance une étude de grande ampleur à l'échelle du pays pour dénoncer le lait frelaté au formaldéhyde. Wiley entreprend en 1902 de convaincre l'opinion publique en recrutant ses cobayes humains, 12 volontaires qui vont consommer ces aliments incriminés et dont le bulletin de santé tient en haleine les lecteurs de la presse. Cette Poison Squad, dont la santé décline à vue d'œil et qui contribue à l'apparition d'une conscience des dangers d'une production agroalimentaire sans garde-fou. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Vudès, Odile Joessel, Juliette Corbeil-Vivas et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.